LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Oui, le SAMU, bonjour. Allô? Le SAMU du Cantal, je vous écoute. La brigade de Saint-Saëns, entendu. À Roufiac, hein, c'est ça? Il a quel âge, ce monsieur? Éventuellement 35 ans. Qu'est-ce qui se passe avant que je vous passe le médecin régulateur? Médecine rurale dans le Cantal. Une nuit aux urgences. D'accord. Par Antoine Tricot et François Test. Alors, vous êtes la gendarmerie de Saint-Sernin, c'est exact, hein? Vous aviez intervenu au domicile déjà ce matin suite à des propos suicidaires du papa. Voilà, et ce soir, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est quelqu'un qui est incontrôlable, puis vous passez le médecin régulateur et vous êtes là dans le cadre de prendre en charge l'enfant pour qu'il soit protégé, c'est exact? Très. Et la maman aussi. Très bien, je vais vous passer le médecin régulateur, ne quittez pas monsieur s'il vous plaît. Gendarmerie de Saint-Sernin se trouve à Roufiac auprès d'un monsieur 35 ans qui est violent. Ils avaient déjà intervenu ce matin, là ils sont revenus au domicile pour prendre en charge l'enfant et la maman parce que le monsieur est menaçant et il se demande un médecin. Oui, allô. Bonsoir, je suis le docteur Vernet, le régulateur au SAMU. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe du coup? Oui, le SAMU du Cantal, bonjour. Comment elle s'appelle, cette dame? Riac, comment s'appelle votre maison de retraite? C'est les Préverts, c'est oui. Exact? Très bien, vous appelez pour qui, madame, s'il vous plaît? D'accord. Quel âge a-t-il, ce monsieur? Elle a quel âge, cette dame, à peu près? Un homme de 94 ans, il se trouve à quel étage et quelle chambre dans votre établissement, madame? 911. Au rez-de-chaussée. Ok. Connaissez-vous son médecin traitant? Juste par hasard. Vous connaissez pas monsieur leur médecin Rock, traitant, très bien. Prenez-moi le numéro de téléphone que vous utilisez pour nous appeler, que nous soyons coupés. Ok. Oui, ben, on ne peut pas les laisser comme ça, effectivement. Vous êtes une infirmière? Très bien, avant que je vous passe le médecin régulateur, madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur? Le problème est que, le médecin, il va venir d'Aurillac, donc ça va être... D'accord. Okay. D'accord, il y a d'autres symptômes associés? Je vous envoie ça, et puis par contre, pour le transport, vous ne pouvez pas le faire. Très bien. Je vais vous demander de patienter un instant, le médecin régulateur est en cours de communication, il va prendre votre appel. Ne raccrochez pas, madame. Je vous en prie. Ouais, et bien on va faire comme ça, on vous envoie une ambulance, et puis le médecin. D'accord? Merci à vous. En descendant cet escalier qui nous mène vers le service des urgences de l'hôpital d'Aurillac, un étage en dessous du centre d'appel du SAMU, j'appréhende ce à quoi nous allons être confrontés. En passant une nuit dans un service d'urgence, dans un département rural, qui plus est un soir de week-end, je me dis qu'il y a de grandes chances pour que l'on tombe sur des accidentés de la route. Ayant grandi ici, dans le Cantal, j'ai été marqué par de trop nombreuses histoires de sorties de discothèques, qui se sont terminées de manière tragique, avec de la tôle froissée et des sirènes qui hurlent dans le noir. À Aurillac, il y a environ 30 000 passages aux urgences par an. C'est presque trois fois moins que les plus grands hôpitaux parisiens. C'est déjà beaucoup quand on sait que dans cet hôpital de taille moyenne, une dizaine de postes de médecins urgentistes ne sont pas pourvus. Car il n'est pas toujours facile d'attirer des jeunes praticiens pour qu'ils s'installent ici, dans une petite ville rurale. Et pourtant, l'activité des urgences n'est pas prête à diminuer. Il est bientôt 20h, les équipes de nuit prennent progressivement leur poste sans savoir ce que la nuit leur réserve. On va l'installer au 4, la jeune libérée. Il faut que je nettoie le brancard. Attends. Docteur Dufraise, vous sortez du box 4. Oui. Vous pouvez nous dire ce que le patient a, pourquoi il est venu aux urgences? C'est un monsieur qui vient chez nous pour une intoxication éthylique aiguë. Donc en fait, en gros, une consommation excessive d'alcool chez un monsieur qui est alcoolique. Voilà, et qui rechute pour la énième fois. Qui a déjà été hospitalisé plusieurs fois en cure de sevrage et qui ce soir, a priori, avait arrêté depuis 3-4 semaines et suite à une rupture conjugale, qui doit être la conséquence de son alcoolisme, et ben, il arrive chez nous alcoolisé, en demandant de l'aide et en voulant être hospitalisé pour arrêter et reconquérir sa femme. Voilà. Un programme vaste. Là, on est plus dans un rôle social que médical, j'ai l'impression. Il y a un rôle médical, puisqu'il y a le... L'alcoolisation, c'est un vrai problème médical, comme une dépression, mais comme un cancer, comme une hépatite, voilà, c'est une maladie chronique, une vraie maladie. Le problème, c'est qu'effectivement, les gens finissent souvent chez nous aux urgences, on est un petit peu l'endroit, effectivement, le seul endroit qui reste ouvert pour ces gens-là, quoi. Parce que quand ils sont très alcoolisés, ce qui est le cas de ce monsieur, une hospitalisation directe dans un service d'alcoolologie pour un sevrage, ce n'est pas possible. Il faut les dégriser et ce qu'on appelle désomatiser, c'est-à-dire enlever une pathologie autre associée qui empêcherait qu'il soit pris en charge dans un service comme ça. On va dire social. Ouais, il y a une partie de social. L'alcoolisme, il y a souvent ça touche toute la population, mais ceux qui arrivent aux urgences, effectivement, c'est des gens qui ont généralement, dans la société, quelques soucis, on va dire. Voilà. Les gens alcoolisés et qui font partie des catégories sociales un petit peu plus élevées finissent rarement chez nous. Voilà. Oui, le Samu du Cantal, bonjour. Ah, qu'est-ce que c'est comme... Vous savez ce que c'est? Alors, il a mis du Febreze dans la bouche. Il en a mis une grosse quantité, madame? Un petit pchit, d'après vous. C'est bien, je vais faire un dossier, madame. Vous êtes sur quelle commune? Docteur Guillaume Laroumet. Donc, les patients peuvent arriver aux urgences d'Aurillac, en fait, valides ou arrivés en ambulance. Donc, on a des sas d'arrivée. On puisse débarquer les patients à l'abri des intempéries. Et on entre donc dans le service par ici, par ce sas, qui nous permet d'atteindre la zone d'accueil où le patient va être tout de suite pris en charge par une infirmière d'accueil et d'orientation. C'est la première personne que voit le patient quand il arrive dans notre service, c'est un soignant. Donc l'infirmière d'accueil va prendre dans sa salle d'accueil le patient qui arrive pour lui poser quelques questions, le motif de sa venue, ses antécédents médicaux, et elle va effectuer donc un tri du patient. C'est pas un très beau terme en termes médical, mais bon, on va essayer de trier le patient de manière à pouvoir gérer dans les services d'urgence les patients les plus graves en premier. Et voilà, c'est pas premier arrivé, premier servi, c'est les plus graves d'abord, et ensuite on s'occupera des cas un peu moins graves. Donc une fois que l'infirmière d'accueil a fait un premier examen, qu'elle a évalué la gravité du patient, soit on peut l'envoyer en salle d'attente si vraiment on est très occupé et que cela peut attendre. Sinon, il est installé directement dans une des chambres qui sont ici, tout le long du service. On a 12 chambres, donc on peut installer 12 patients sur des brancards, dans des salles qui sont isolées, seules, avec des systèmes de surveillance pour surveiller leur fréquence cardiaque, leur tension en permanence. Voilà, et on va les prendre en charge. Toutes ces constantes sont reportées sur un écran qui se trouve derrière justement le centre un peu des... Ce qu'on appelle la banque. Elle ressemble à quoi cette banque? Elle ressemble à un comptoir, alors sans les tireuses à bière bien sûr, mais avec des écrans d'ordinateur multiples, et puis de la papeterie, des téléphones, des pense-bêtes, papier, voilà. Là, à 21h15, là. À 21h15, alors là, nous sommes une soirée assez calme. Nous avons 3, 4, 5, 6, 7 patients installés et 2 patients qui viennent d'arriver en attente, qui sont en attente d'être installés. Voilà, ce qui est très calme. Oui, allô? Oui. Il faudrait quand même qu'elle fasse pipi. D'accord. Donc, comment il met 500 cc? Tu passes 500 cc sur combien de temps? Sur une autre. Peut-être qu'elle fait 6 pins parce qu'elle va pas loin, mais. Ça ne marche pas. Je vais au 3. Si tu veux y arriver. Je vais y arriver. Bon courage. Du BMX cet après-midi. C'est comment là pour l'échange des box? On le fait maintenant? Oui, il va falloir qu'on le fasse parce qu'ils vont peut-être pas tarder à arriver. Oui, moi j'aimerais bien qu'on... Oui, on va peut-être... Enfin, on attendait d'avoir les transmissions du 5 pour voir si on pouvait faire passer la dame du 5 au 11, comme ça on aurait 5 et 6 de libre. Voilà. Parce que je pense qu'il ne faut pas les mettre à rien. Oui. Donc je m'appelle Marion Coudon, je suis infirmière aux urgences depuis 7 ans. Il est un peu plus de 21h et là vous prenez votre service toute la nuit ? Tout à fait, jusqu'à 7h du matin demain matin. Habituellement, il y a aussi quelqu'un qui s'occupe du tri des patients ? Tout à fait, de 10h à 20h toute la journée. Là, la nuit, il n'y a personne. Donc c'est nous qui gérons ça, en plus de gérer le service. Et en plus, la nuit, vous faites également les entrées administratives donc. Oui, et oui, oui. Donc il n'y a personne la nuit et dans ce genre de situation, quand il y a une grosse affluence de patients la nuit aux urgences, c'est compliqué d'être partout, quoi. Mm-mm. On vous laisse poursuivre les transmissions. Oui. Alors, et bien du coup, la petite Chloé, elle va partir. Oui, c'était quoi ? Un panari. Ah. Qu'on a incisé, on a mis les mulas là, pendant plus de 30 minutes avec, et après l'Antonox. Après, qu'est-ce qui te manque ? J'en ai pas beaucoup. Hein. Après, il me manque la 5. Ah, mais la 5. Ah, alors, la 5 et 5, ils l'ont mis au 11. Oui. Voilà. Marqué. Guillaume Laroumé, vous êtes responsable du service des urgences de l'hôpital Henri Mondor à Aurillac. Oui. On dépasse la banque des urgences, qui est un peu le cœur des urgences, pour aller vers le fond du service, qui est constitué d'une unité de courte durée. Exactement, ça s'appelle l'unité d'hospitalisation de courte durée, l'UHCD. On a 6 lits qui nous permettent de garder des gens sur de courtes périodes, hein, c'est la vocation de ce service. Des gens qui, par exemple, passent aux urgences et dont on sait très bien qu'ils ont besoin d'une surveillance de quelques heures pour pouvoir s'orienter. Devront-ils être hospitalisés ou pourront-ils rentrer chez eux ? Ou dont on est même certain qu'ils pourront rentrer chez eux dès le lendemain, mais on a besoin de les surveiller un petit peu. Par exemple, quelqu'un qui a eu un traumatisme crânien un petit peu sévère, qui a peut-être perdu connaissance. Son examen est tout à fait rassurant, mais bon, des fois, le laisser repartir en pleine nuit, surtout dans notre département où les gens peuvent habiter dans des endroits isolés, s'il se passe quoi que ce soit en pleine nuit, on va peut-être s'exposer à des problèmes, avec des délais pour revenir à l'hôpital longs. Donc, du coup, on préfère les garder. C'est ce que vous appelez envoyer quelqu'un à l'UCH. Voilà, exactement. Et pour finir, dans le service, il reste l'étage juste au-dessus. Oui, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, donc qui est la régulation du SAMU, puisque comme Aurillac est la préfecture du département, on est un hôpital siège de SAMU, donc ce qui nous permet d'avoir toutes les activités de la médecine d'urgence sur le même site, la régulation du SAMU, le SMUR, les sorties extra-hospitalières avec nos véhicules, les urgences, l'UHCD. Oui, le SAMU, bonjour. Bon, je te passe le médecin. Allez, à plus tard. Conférence engagée, donc c'est à Cézanne pour un jeune homme de 30 ans qui a fait une chute et qui présente une plaie hémorragique au niveau de la tête. C'est sur voie publique. Ça vient chez nous, ça, non ? Non, c'est Saint-Flour, secteur de Saint-Flour. Oui, je m'appelle Stéphanie, je suis assistante de régulation médicale au SAMU 15 à Aurillac depuis maintenant 2010. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre métier ? Donc, une assistante de régulation médicale, elle prend l'appel. Après, ensuite, elle recueille les données administratives de l'appelant. Donc, nom, prénom, l'âge et surtout une adresse assez complète. Et ensuite, on cherche s'il y a une urgence vitale ou pas, éventuellement. On priorise le dossier. S'il y a une urgence vitale, nous, on a un logiciel de régulation où on peut prioriser avec P0, P1, P2, P3. Et on synthétise tout ça sur notre dossier médical à l'ordinateur et on transfère l'appel au médecin régulateur. Ensuite, celui-ci juge et il va nous donner des instructions. Quel est à peu près le rayon d'action du SAMU d'Aurillac ? Déjà dans le Cantal, il y a 3 bases de SMUR. Le SAMU, c'est nous la régulation. Et les SMUR sont basés un à Aurillac, un à Mauriac et un à Saint-Flour. Donc il y a différents secteurs. On va dire qu'on rayonne Aurillac, on va dire entre maximum 40 minutes au plus loin. Après Saint-Flour, c'est quand même plus compliqué parce qu'ils vont très très haut dans le Nord-Cantal et ça peut être même des fois 50 minutes pour arriver sur la zone. Après, nous, on a l'hélico aussi. Donc, ce qui fait qu'on réduit les temps quand c'est trop loin. On a l'application sur la fiche d'appel qui nous met un petit logo comme quoi on peut utiliser l'hélicoptère. Donc, on gagne du temps aussi si la météo le permet. Est-ce que les petites maladies, les rhumes, etc., sont devenus plus fréquents? Est-ce qu'avant, vous n'aviez pas forcément des personnes qui appelaient pour ce type de maladie? Oui, effectivement. Là, vu que nous, on est sur un bassin où il n'y a pas de médecin généraliste de garde le soir sur certains secteurs et communes, tous les appels concernant les médecins généralistes sont basculés sur la permanence de soins qui est gérée par le SAMU le soir. Donc là, effectivement, toutes les nuits, on a énormément de conseils médicaux qu'on traite beaucoup plus qu'avant. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier ? Eh bien, le contact avec les gens, l'adrénaline aussi, quand on part sur quelque chose de grave, de l'adrénaline, d'envoyer nos équipes, de suivre et de réussir à sauver les gens. C'est ce qui me plaît énormément, c'est ça, le contact humain, autant avec nos collègues, le travail en binôme, les nuits aussi, c'est une atmosphère différente. Mais surtout le contact avec les gens. On est le premier maillon de la chaîne, hein, donc on ressent tout. On est des éponges et les gens soit nous hurlent dessus, soit ils sont très calmes. On est obligé de les canaliser pour pouvoir le transmettre. Et voilà, c'est une façon de j'apprécie beaucoup en fait de faire ça. Posez le haricot sur vous, voilà, on se débrouille. Vous êtes prêts, les gars ? Et voilà. Vous êtes bien installé là ? Guillaume Lerroumé, est-ce que l'activité des urgences est régulière ou est-ce qu'il y a un pic d'activité dans la journée, peut-être le soir ou à un autre moment ? Alors on voit une évolution depuis quelques années d'une activité qui était essentiellement en journée et des nuits relativement calmes, peut-être excepté les samedis soirs du fait des sorties en boîte de nuit et donc de peut-être un peu d'excès d'alcool, tout ça, voilà, où on avait pas mal de problèmes de ce côté-là. Maintenant, on a une activité qui se décale un petit peu et qui a tendance à rester forte en journée, mais à rester importante sur les fins d'après-midi, les débuts de soirée. Et avec donc des nuits qui sont en effet plus chargées en travail qu'avant, avec malheureusement un effectif soignant qui est moindre qu'en journée. Est-ce qu'il y a des pathologies particulières au Cantal ? On a quelques petites spécificités qui ne sont pas liées au Cantal. On a la spécificité des traumatismes liés à la montagne et aux accidents de montagne, notamment en hiver, avec la station du Luron et l'essor des sports d'hiver de pleine nature, c'est-à-dire hors station, où on peut avoir des problèmes d'hypothermie chez des skieurs de randonnée, des problèmes d'escalade, des problèmes d'avalanche. C'est arrivé, c'est rare dans le Cantal, mais ça arrive, des problèmes de patients avalanchés. Après, on a aussi tout ce qui est lié vraiment au milieu rural, donc c'est pas spécifique au Cantal, mais à la ruralité, les accidents agricoles, notamment au printemps et en été, accidents chez les agriculteurs avec les tracteurs qui peuvent se retourner, les engins agricoles qui sont dangereux, les sorties des bêtes au printemps qui sont un peu agacées dans les champs et qui peuvent encorner ou bousculer leur propriétaire. C'est arrivé encore avant-hier, quelqu'un qui s'était fait encorner. Voilà, des choses qu'à Paris doivent, à mon avis, pas voir. L'hôpital d'Aurillac est une ville dans la ville. Les pavillons du 19e siècle côtoient les immeubles modernes. Tous sont reliés par un réseau souterrain de tunnels dans lesquels se croisent brancards et fauteuils roulants. Le jour, ce sont 1800 employés qui s'y trouvent et des centaines de patients. Mais la nuit, les couloirs des différents services se vident. Seules les urgences veillent patiemment. Aujourd'hui, il pleut et les urgences se préparent à faire face à leur lot quotidien de situations extraordinaires. Allez. Ça va piquer un petit peu là sur la main. Cette dame, elle a des glaires là qui remontent. Donc du coup, on lui fait une prise de sang et on lui pose un cathéter. Donc une prise de sang pour rechercher un problème infectieux et un cathéter au cas où on ait besoin de poser un médicament. D'accord ? Oui, oui, oui. Hein ? Allez, détendez votre main. Voilà, vous êtes toutes. Voilà, détendez, oui. Super. Détendez la main. Vous vous crispez, ma peau. Hop, et... Et c'est depuis ce soir que vous toussez comme ça, que vous avez ces glaires ? Oui, il y a un moment que je tousse, vous savez. Et plus ce soir, c'est ça ? Voilà, vous pouvez poser. Posez-le. Guillaume Larouillet, vous venez de faire entrer au box 3 une dame que nous avons vue. Pour quelle raison est-elle là ? Alors cette dame est rentrée parce qu'elle tousse depuis quelques jours, essentiellement le soir au coucher, avec des crachats. Et on va demander une radio des poumons qu'elle va avoir dans quelques instants pour essayer de s'orienter un petit peu. Voilà. Elle a quel âge ? Elle a 93 ans. Elle est plutôt bien sur le plan de ses fonctions cognitives. Elle, voilà, il n'y a pas de démence. Elle est tout à fait capable de nous dire ce qui lui arrive. Voilà. On a beaucoup de personnes âgées comme ça dans notre département hein, qui maintenant passent les 90 ans, mais qui voilà, on garde une certaine autonomie et soit vivent à domicile, soit vivent en maison de retraite, mais avec relativement peu de handicap en fait. Je te coupe. Je devais mettre sur le préliminaire de la 5. Je pars sur un choc septique. D'accord. Donc j'ai rien fait pour l'instant. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. J'essaie de le jeune d'accepter possiblement l'utilisation libre en psy. Ouais, j'apprends juste sa réponse, mais après je te explique. D'accord. Mon collègue va partir en SMUR là, à l'extérieur de l'hôpital, donc je vais prendre le relais sur les patients qu'il avait commencé à gérer. Voilà. Il avait tout écrit, donc c'est parfait. Des éclats de colère, des crises d'angoisse, des éléments un peu délirants, on entend des voix. Est-ce que je peux vous demander ce que vous préparez ? Alors là, donc j'ai eu un appel du SAMU qui m'a dit qu'on attendait une urgence, ce qui est quelque chose qui se rapproche d'une urgence vitale. Ici, c'est notre box de ce qu'on appelle de déchocage. C'est là où on va gérer les urgences les plus vitales. Avant le transfert vers la réanimation ou un service adapté, là, c'est ici qu'en fait qu'on va gérer le plus dur, on va dire. On va les stabiliser avant de pouvoir les transférer. Et quel est de quoi souffre la personne qui arrive ? Alors là, pour l'instant, on nous a juste annoncé quelqu'un qui a du mal à respirer. Souvent, là, on n'en sait pas plus avant qu'ils arrivent. Mais voilà, là, on sait juste, voilà, c'est des problèmes respiratoires, on ne sait pas vers où on va. Alors, moi, je m'appelle Charles Roucou, je suis infirmier, je travaille à l'hôpital depuis un peu plus de 2 ans et demi, et aux urgences depuis un peu plus d'un an. On présente souvent le service des urgences comme la porte de l'hôpital. Mais est-ce que ça ne serait pas plutôt le cœur, parce que vous êtes en contact permanent, on l'a vu, avec les téléphones, etc., avec tous les services de l'hôpital. Comment vous imaginez la place des urgences dans l'hôpital ? Moi, je me souviens d'un de mes patrons avant qui disait l'hôpital doit s'organiser autour des urgences et non pas l'inverse. C'est pas les urgences qui doivent s'adapter au reste de l'hôpital. Nous, de par notre spécialité, on a une activité qui n'est pas programmable. Donc forcément, on est un petit peu toujours les désorganiseurs de quelque chose qui fonctionne avec des consultations, des horaires de rendez-vous. On vient surajouter de l'activité, des demandes urgentes. Et donc oui, on désorganise automatiquement une activité claire et nette de tous les jours pour un service de médecine ou de chirurgie. Mais bon, voilà, c'est le... c'est le lot de tous les services d'urgence. Après, voilà, faut arriver à s'adapter et à organiser tout ça. Donc vous énervez un peu vos collègues de l'hôpital? Parfois. Écoutez, c'est parce que là, tout à l'heure, à la prise de sang de tout à l'heure, il y avait des résultats qui étaient un peu élevés, et donc il faut qu'on s'assure que ça reste stable, d'accord, hein. Il faut qu'on sache, il faut qu'on voit comment ça évolue. Donc je sais bien que c'est pas sympa. Et je vous ai amené les médicaments du soir, là. Je ne veux pas. Bon. Mais alors, S'il y a les mêmes, c'est pas la peine, hein. S'il y a les mêmes que quoi? Bon, étranger. Ah, non, mais là, c'est pas des médicaments contre la douleur. Hein. Non, là, c'est juste pour protéger l'estomac et le médicament pour dormir. Oh, du l'air de dormir, vous pouvez le garder. On l'enlève. Le garde. Ouais. Ah, pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que vous ne voyez rien du tout. Ça marche pas? Non. Vous pouvez allonger le bras au maximum. Vous êtes pas mal, hein? Eh bien, écoutez, je vais faire au mieux. C'est vrai? Et vous bougez pas. Comme ça, c'est un bon compromis. Moi, je connais ça, hein? Oh, mais je sais, mon pauvre, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Okay, vous bougez? Oui, ça, c'est automatique. Ah, ben oui, mais bon, faut éviter de bouger. Hein. Sinon, moi, je vais vous faire mal après. Eh, je sais bien. Eh bien, oui. Voilà, c'est tout. Je vous donne le médicament pour l'estomac, celui pour dormir, vous ne le voulez pas? Oh non, non, je ne veux pas, à peine. Non, mais comme vous voulez. Bon, mais que celui pour l'estomac, alors. Je vous redresse un peu, là. Hé, c'est pas... Eh oui, mais il faut bien être facile pour vous. Eh bien, pourquoi pas. Bon, ok. Eh bien, écoute, on va voir ça. Je pars avec qui, du coup, là? Eh oui, d'accord, oui, parce que j'ai plus... Cécile est partie, moi. Mmh. D'accord, ok. Bon, allez, à plus. Bon, alors, faut que je parte aussi. Docteur Laroumet, vous pouvez nous expliquer, vous devez partir, ouais. Vous venez de recevoir un appel? Ouais, donc moi je vais partir aussi sur une deuxième intervention sur quelqu'un qui probablement fait un AVC, qui est inconscient. Donc on va aller le chercher, on va voir un petit peu ce qui se passe, et puis on va essayer de le ramener par ici. C'est loin? C'est à Girgol, ouais, c'est quand même à 20-25 minutes de route d'ici, par la route. Il est 22h30, vous avez fini votre service à 22h? Ouais, voilà, vous avez tout compris. Donc c'est pas tout de suite. Voilà. Bon, on va aller voir ça. Il est où, Seb? Sébastien? Je sais pas. Faut que je parte en inter. Je te laisse finir. Hein? Ouais. Vous êtes occupé du monsieur qui est dans le box 10, oui. Il a l'air un peu rétif. Oui, alors ce monsieur, il craint les prises de sang. Et là, je suis en train de lui expliquer qu'il fallait que j'en refasse une à nouveau. Il y avait au niveau de la prise de sang, il y avait des résultats au niveau des enzymes cardiaques qui étaient élevés. Et du coup, il fallait qu'on refasse une autre prise de sang de contrôle 3 heures après. Il ne voulait pas que je le pique, mais bon, en amenant ça un peu avec humour, et enfin voilà, ça s'est bien passé, et voilà, il n'a rien dit de plus. En tant qu'infirmière, c'est aussi votre rôle de faire ce travail relationnel avec les patients, de les mettre en confiance, de leur expliquer pourquoi ils sont là. Peut-être que les médecins n'ont pas tout le temps de le faire calmement. Oui, et parfois les médecins le disent déjà, mais c'est toujours rassurant pour les patients de le réentendre, et que ce soit expliqué différemment parfois. Il y a parfois la nuit des situations tendues, avec des patients difficiles. Oui, le jour aussi. Le jour aussi. Oui, ça arrive. La nuit, c'est toujours différent parce qu'on est effectif diminué. On est moins nombreux. Il y a parfois autant de patients que la journée. Et du coup, c'est plus compliqué pour les prises en charge et d'accorder le temps qu'on voudrait à chaque patient. C'est compliqué parfois. Marion Coudon, vous êtes aux urgences depuis 7 ans en tant qu'infirmière. Pourquoi avoir choisi les urgences ? On touche un peu à toutes les spécialités médicales. Enfin, on fait des prises en charge d'urgence, donc ça donne du piquant à notre journée. Enfin, c'est vraiment un choix d'être venu aux urgences. D'être aux urgences, on est beaucoup plus autonome, on a plus de responsabilités peut-être qu'ailleurs. C'est plus valorisant en tant qu'infirmière ? Je pense, oui. Oui, vraiment. Alors ma belle, explique-moi ce qui t'arrive. Je mangeais une glace. Ouais, et puis tout d'un coup, j'ai vu que le palais s'est décroché. Oh, le palais de ton appareil ? Oui. D'accord, ok. Louane, je vais regarder. Moi, je m'appelle Sébastien. Et, oui, mais alors ça, je ne vais rien pouvoir lui faire, moi. Hop là. En fait, on va regarder s'il peut se décrocher dans la nuit. Sinon, il faudra aller voir demain le dentiste. Hein. Et demain, il est fermé. Oui, mais un dentiste. Un dentiste. Je veux dire, moi, là, j'ai pas de matériel pour. Voilà, je vais vous le casser, ça va vous coûter une fortune. Et vous ne serez pas content si je le touche. Ah. Oui, je regarde juste, hein, ma belle. Non, ça peut pas partir. Déjà, tu peux pas l'avaler pendant la nuit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Ouais. Je regarde bien. Et ça te fait mal plutôt ici. Ah. Comme ça fait mal, il faut prendre du Doliprane. Ouais. Et tu vas mettre de la glace. Alors, pas de la glace, pas de la glace à manger. Des petits glaçons, si ça te fait un peu mal, tu vas sucer le glaçon et le froid, ça va empêcher d'avoir mal. D'accord ? Et puis demain, il faut voir un dentiste. Et si jamais il n'y a pas, si jamais vous trouvez personne demain, il y a un dentiste de garde le dimanche. Ok ? On fait comme ça ? D'accord. Bon. On tape 5 ? Allez. C'est bon ? Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Docteur Dufraise, vous ne faites pas les appareils dentaires aux urgences ? Non. Je sais pas. En fait, on a souvent cette demande des gens. Nous, il n'y a pas le nombre de patients suffisant pour organiser une garde de dentiste H24. On a des dentistes de garde le dimanche seulement de 9h à 13h. Après, je pense que c'est... De toute façon, c'est pas une urgence. Voilà. On est dans une urgence ressentie, comme pas mal d'urgences la nuit. Voilà. La nuit, en gros, on a deux types de patients. On a les vraies urgences, et puis, parce qu'il y en a, voilà. Et puis, on a beaucoup de gens qui sont angoissés par la nuit, etc., qui ont des symptômes qui durent depuis plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines, et qui, la nuit, consultent parce que bah, ce jour-là, il y a un peu plus d'anxiété et ils ont besoin qu'on les rassure. Quoi. Alors, moi, je m'appelle Bujol Yannick, je suis aide-soignant ici depuis 16 ans maintenant, aux urgences. Alors, notre rôle est très varié, en fait. On installe les patients, on prend les constantes des patients, on répond à toutes les demandes des médecins ou infirmières, si besoin, en fonction de l'activité. On fait des soins de nursing, donc toilettes des patients, si besoin, quand ils sont souillés, ce genre de choses. On répond à toutes les demandes des patients, si possible aussi, les infirmiers aussi, mais en général, c'est nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On refait tous les pleins du matériel la nuit, donc tout ce qu'on a besoin pour sur les 24 heures en fait, donc tout ce qui est lèche de toilette, gants usage unique, compresses, les boîtes à aiguilles. Donner à manger aux patients ? On donne à manger, donc ceux qui sont autonomes, donc on leur sert le repas, ils se débrouillent eux-mêmes. Et après, s'ils sont, enfin, comme le monsieur qui avait une cécité, donc je l'ai aidé à manger. On a aussi une tâche de ménage. Une fois que le monde est parti, il faut qu'on nettoie tous les box et tous les locaux du bas. Et comment est le rythme, en particulier la nuit, pour gérer toutes ces tâches différentes ? Intense. Plus ça va, plus c'est intense maintenant. On se rend compte que comparé à moi, ça fait 4 ans que je fais les nuits maintenant. En 4 ans, ouais, y a une activité qui a explosé. Donc du coup, nous, on court aussi, quoi. Et est-ce qu'il y a une adaptation de vos postes par rapport à cette activité de plus en plus forte ? Non, il n'y a pas d'adaptation, hormis nous proposer d'essayer de travailler en 12 heures. Mais au niveau des mains en plus, des bras en plus, non. On a vraiment l'impression d'être dans le noir, enfin dans l'ombre en fait. On fait plein de tâches, on fait plein de choses pour les patients, pour l'équipe, tout ça. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression d'être dans l'ombre, quoi. Même quand on voit dans certains reportages où on parle du médecin, de l'infirmière et l'aide-soignant. Donc ça, oui, c'est frustrant. Ça, c'est frustrant. Mais après, moi, j'aime ce que je fais. Donc, mais c'est vrai que si j'avais quelque chose... Ouais, on est qu'on soit revalorisé, ouais. Revalorisé humainement. Déjà, ça serait pas mal. Pourquoi les urgences ? Pour ce que vous avez vu ce soir. Donc, ça court partout, il y a divers patients, il y a divers pathologies. Pour moi, il n'y a pas de routine. Donc c'est vrai que voilà, c'est ce côté intense, speed, qui m'intéresse. Le seul truc qui manque aux urgences, c'est qu'on n'a pas de suivi de patients. C'est éphémère, en fait. Pour nous, c'est éphémère. Le café, c'est essentiel. Ah ouais, enfin, moi en tout cas, oui. C'est utile, on va dire. Non, c'est utile le café parce que d'abord, un, c'est une pause quand on boit le café, donc on pense à autre chose et puis c'est un petit moment à part. Et en plus, la caféine, c'est pas mal, ouais. Le problème, c'est quand on est urgentiste, c'est que la caféine, on en prend la nuit pour tenir les gardes. Et les jours où on ne travaille pas pour avoir une espèce de vie sociale. Voilà, parce que c'est un métier qui est assez désociabilisant. Enfin, parce qu'on travaille un week-end sur deux. Si vous avez une famille et des amis, ben vous ne les voyez pas, un week-end sur deux. Et en plus, les week-ends sur deux où vous êtes là, ben souvent vous êtes fatigué parce que vous avez travaillé le vendredi la nuit, souvent. Voilà. Donc ben, la caféine est essentielle. C'est soit ça, soit la cocaïne, donc moi j'ai choisi. Donc non, mais c'est vrai que. Là, on fait de plus en plus que des 12 heures. Enfin, on essaie de travailler par 12 heures. Et on travaille encore assez souvent, malgré tout, par 24 heures. Et quand on fait 24 heures, c'est épuisant. Enfin, la nuit, il y a un moment où... Ouais. On essaie de plus le faire parce qu'on se rend compte que c'est dangereux pour nous, pour les patients. L'intérêt de travailler en 24 heures, c'est que vous travaillez deux fois dans la semaine. Hein. Vous faites 48 heures, en gros. Et après, vous avez 5 jours de repos. Mais c'est 5 jours de repos où vous êtes tellement épuisé qu'au final... voilà. Alors qu'en travaillant en 12 heures, bah, vous allez travailler 4 fois dans la semaine. Vous allez avoir moins de vrais jours de repos. Mais au moins, vous serez un peu moins fatigué. Non, donc ouais, la caféine, essentielle. Quand on travaille, en fait, le café, le repas, c'est des trucs qui structurent un petit peu. Enfin, d'ailleurs, ça ne structure pas puisqu'on les prend à n'importe quelle heure. Mais c'est vraiment ces petits moments en fait, qui fait que ben, voilà, y a une petite coupure dans la journée. Et c'est une respiration, en fait, et ça permet de repartir. Et c'est vrai que tout ça est important. Voilà, même si on a des repas qui sont vraiment maintenant très, très courts et en plus mauvais. Donc, voilà. Parce qu'avant, on mangeait bien dans les hôpitaux. On avait... Moi, quand je suis arrivé ici, il y a plus de 20 ans, on avait un cuistot qui nous faisait à manger. On avait des frites maison, etc. Et maintenant, on mange la même chose que les malades. Donc, autant vous dire que c'est un délice. Un délice. Voilà. Sébastien Dufraisse, vous êtes médecin aux urgences d'Aurillac depuis 2000. Ouais. Donc, ça fait 19 ans. Ouais. On vous a vu tout à l'heure, donc vous occupez le poste de médecin coordinateur ce soir, ouais, sur les urgences. Vous passez beaucoup de temps derrière l'ordinateur, ouais, beaucoup de temps à taper. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est vraiment métamorphosé depuis que vous avez commencé ce recours à l'informatique et cette nécessité d'écrire énormément? La métamorphose, c'est surtout, effectivement, on a un besoin médico-légal, donc on écrit tout. Moi, quand je suis arrivé, alors déjà, c'était le début du médico-légal, donc on commençait à écrire beaucoup. Mais maintenant, on écrit beaucoup et on écrit autant pour faire des diagnostics et soigner les gens que pour se couvrir et créer du papier. On crée des statistiques, on crée une somme d'informations qui n'est pas toujours très utile. On crée de la tarification à l'acte. Et c'est vrai qu'en plus, on a informatisé. Alors l'informatisation, ça nous fait passer du temps derrière l'écran. Quand on examine les gens, on tape en même temps qu'on les examine aussi. Donc on est à côté d'eux. Et malgré tout, on peut ne pas perdre quand même le lien médical. Mais effectivement, on passe moins de temps auprès des patients. On passe plus de temps à placer les malades. On a perdu une espèce de rapport médecin-patient à l'ancienne. Voilà. On est devenu des techniciens de la médecine, mais je pense que quelle que soit la spécialité. Mais il y a un bon côté à ça, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un patient et qu'il revient, on a toutes les informations de son passage précédent, ses antécédents, son traitement, etc. Et on retrouve aussi ses électrocardiogrammes ou des choses comme ça, donc on peut comparer, donc il n'y a pas que des mauvaises choses. Voilà. Aujourd'hui, quand on est en panne informatique, même si on passe notre temps à dire c'est contraignant, ça nous ralentit, etc. quand on tombe en panne informatique, on est encore beaucoup plus embêté que si on n'avait pas. Quoi. Vous êtes à l'hôpital d'Aurillac, monsieur. C'est un patient de 86 ans que nous sommes partis chercher en SMUR, à une maison de retraite à à peu près 20-25 minutes de route en voiture pour un problème plutôt infectieux, soit sur le plan pulmonaire ou le plan urinaire, qui fait qu'il a fait une hypotension. Voilà. Donc ça reste une urgence médicale. Le souci, c'est que la plupart du temps, dans les EHPAD, là on a croisé des collègues, il y avait une infirmière et une aide-soignante pour 100 patients. Donc facilement, on essaie de se dépêcher un peu pour qu'elles puissent aussi faire leur boulot pour les autres résidents. Et là, on avait la chance qu'il y avait souvent un médecin traitant qui passait 22h15 pour faire sa visite du soir, ce qui est chose rare encore. Et donc, le médecin traitant a commencé à le perfuser pour faire un remplissage d'eau salée dans les veines pour refaire remonter la tension. Et donc, nous, on est arrivé et on a continué la prise en charge. Voilà, avec l'oxygène, les antibiotiques et toujours l'eau salée qu'on rajoute. Et docteur Foussa, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc là, on l'a mis dans un box de déchocage. Là, rapidement, ce qu'on va faire, c'est le prélèvement de sang pour orienter le diagnostic avec la radio pulmonaire et les prélèvements urinaires. On rajoute rien de plus ce qu'on a dit, Valérie. Ouais, en plus ce qu'on a dit. Oui. Je te confirme les hémocultures. Oui, standard CRP, lactate, EMOC, gazo. Les os et son urinaire. Ouais, voilà. Je vais vous faire quitter le t-shirt, monsieur. Donc pour l'instant, c'est une prise en charge qui a été assez rapide à la maison de retraite. Et maintenant, le but, c'est de le sécuriser complètement et après de le mettre en surveillance, soit en soins continus, donc qu'à l'étage de la réanimation, soit à l'UHCD. Voilà. Ces dernières années, ces derniers mois en particulier, beaucoup de services d'urgence se sont mis en grève. Comment ressentez-vous, vu d'Aurillac, la tension qui peut y être perçue, notamment dans les services d'urgence, ouais, de plus grandes villes peut-être? Alors, on ressent aussi, parce qu'on a une augmentation de la charge de travail qui est évidente les dernières années, surtout depuis 2 ans, je dirais, avec entre autres aussi un travail qui s'est déplacé sur la nuit. En fait, on a une charge de travail qui est équivalente, on va dire, sur la journée. Et la nuit, on a un nombre de passages qui augmente. Et c'est vrai qu'on sent cette charge de travail. Alors nous, on a encore une chance, c'est qu'on a un hôpital où on arrive à ne pas faire dormir les gens dans des brancards aux urgences et dans les couloirs. Alors ça arrive exceptionnellement pour les épidémies de grippe, etc. Ça arrive malgré tout, mais voilà. Donc on n'a effectivement pas le même ressenti. Très clairement, je ne pourrais pas travailler dans un service où la nuit, 40 personnes dorment dans le couloir. Enfin, moi, j'ai fait médecin pour soigner des gens. La maltraitance, clairement, non. Moi, je ne me mettrais pas en grève. Je démissionnerais si je travaillais dans un service comme ça. Déjà qu'aujourd'hui, la modification de notre travail nous fait nous poser des questions, moi, le premier, de mon avenir dans la médecine d'urgence. Si en plus on maltraite les gens, c'est juste pas possible. Enfin, voilà. Et donc je comprends, moi je suis solidaire avec mes collègues, on s'est mis en grève d'autres fois, c'est vrai qu'on est moins légitime sur une grève qu'un service où ils sont complètement débordés. On a des problèmes qui sont un petit peu différents, c'est moins ça qu'on a d'autres choses. Donc c'est l'accès à des spécialités qui vont être plus pour nous embêter. On devient de plus en plus seul dans les services d'urgence. Voilà. On demande de plus en plus d'avis, mais on est de plus en plus seul. Est-ce que la télémédecine peut justement permettre de remplacer le manque de spécialité que vous pouvez ressentir sur l'hôpital d'Aurillac? La télémédecine, oui, ça peut apporter un vrai service aux patients. On utilise, nous, le télé-AVC, c'est-à-dire qu'on utilise des consultations faites par des neurologues spécialistes en neurologie vasculaire qui sont à Clermont-Ferrand et qui, par l'intermédiaire d'un écran, de caméra, de micro, examinent le patient voit le médecin, etc. Et effectivement, les gens ont une impression, et nous aussi, de vraie prise en charge. Le problème de la télémédecine, c'est qu'il faut qu'elle soit faite dans les règles de l'art, quoi. Et on fait beaucoup de télémédecine, et vous l'avez vu tout à l'heure, où on envoie des SMS avec des clichés radiologiques dessus, alors que c'est strictement hors clou et interdit, et voilà. Mais on fait parce que sinon on s'en sortira pas, on n'aura jamais d'avis, etc. Si c'est la télémédecine comme ça, non, ça nous aidera pas. Voilà. On peut servir le café. Ouais, servir le café. Les tasses, elles sont en dessous là. Là. Vous avez les tasses là, le sucre là, et les cuillères. Mais c'est pas celle des patients, donc vous pouvez y aller. Allô? Bonjour monsieur, docteur Kintegao Samu. On va juste réexpliquer tout ça. Cette douleur, elle est comment? Comment vous pouvez me la décrire? Ça vous fait quoi? Ça brûle? Ça tord? Ça fait quoi? D'accord. Et c'est venu brutalement ou tout doucement? Tout doucement. Vous n'avez pas vomi? Là, vous n'êtes pas nauséeux. D'accord. Et vous n'avez... D'accord, vous avez mangé? D'accord. Pélagie Kentega, vous êtes médecin aux urgences d'Aurillac. Quel poste occupez-vous ce soir? Ce soir, j'occupe le poste de médecin régulateur du SAMU. Le début de soirée a été agité. Vous avez commencé à 20h directement dans le rush. Alors, donc ce soir, effectivement, en début de nuit, nous avons eu beaucoup d'appels, très diversifiés, parce que nous avons eu notamment des plaies, des gastro-entérites, une crise d'asthme, un patient qui probablement fait un AVC. Nous avons aussi eu un choc septique dans une maison de retraite. C'est assez diversifié. Nous avons eu aussi un peu de psychiatrie. Vous auscultez par téléphone. Est-ce que ça pose des problématiques particulières de ne pas voir le patient? Bien sûr que ça pose des problématiques particulières de ne pas voir et quelquefois de ne même pas pouvoir écouter le patient, parce que si c'est une tierce personne qui appelle, c'est un peu plus délicat. Donc nous n'avons que les éléments transcrits par le patient lui-même ou par sa famille. Nous n'avons que ça pour décider des moyens à envoyer pour secourir cette personne qui a besoin de nous. Quelquefois, on peut s'aider de la famille pour mobiliser quelqu'un, par exemple, qui ferait un AVC, pour demander de lever un pied, un bras, pour vérifier s'il est vraiment paralysé. Mais le fait de ne pas voir le patient, de ne pas pouvoir l'ausculter, le toucher, le palper, est un gros frein, mais c'est aussi l'art de la régulation médicale. On va faire un bilan standard, un ECG, puis voilà, après je vais appeler les neurochirurgiens. Depuis combien de temps vous êtes médecin urgentiste? Ça va faire 12 ans. Docteur Guillaume Laroumet, combien de temps voulez-vous encore être médecin urgentiste? Bonne question. Dans l'immédiat, je me suis pas encore posé la question. Mais c'est vrai que on voit bien que les années passant, les gardes sont de plus en plus difficiles à assumer. On a du mal à récupérer. On est obligé quand même de garder dans un petit coin de la tête que peut-être un jour il faudra peut-être envisager de trouver une activité médicale ou autre, enfin probablement médicale, qui soit un petit peu plus physiologique, travailler en journée, pas forcément la nuit, avec quelques gardes de temps en temps, mais voilà. Et est-ce qu'il y a des portes de sortie pour les médecins des urgences faciles, ou est-ce que c'est compliqué de faire autre chose que des urgences? Alors c'est compliqué, ça va être d'autant plus compliqué maintenant que la médecine d'urgence est devenue une spécialité à part entière, puisque moi par exemple j'ai un cursus de médecine générale à l'origine, donc rien ne m'empêche demain, si j'ai envie, de pouvoir aller m'installer en médecine générale, ce qui ne sera pas le cas pour les jeunes médecins urgentistes qui arrivent maintenant et qui seront donc un petit peu cantonnés à faire de la médecine d'urgence. Peut-être pas toute leur vie, mais disons que les portes de sortie éventuelles en cas de fatigue ou d'épuisement dans cette spécialité ne seront pas évidentes. Docteur Dufraise, vous prenez un peu l'air, il est bientôt 3h du matin, nous sommes juste devant les urgences, ça y est, le service s'est vidé. Alors le gros du service, on a plus qu'un patient là, tout de suite. Il s'est vidé là, dans la dernière demi-heure, ce qui est assez fréquent dans un service comme le nôtre, où on a un afflux entre 20h et minuit, et puis après on rentre dans les vraies urgences, on va dire. Les gens qui viennent maintenant sont plutôt des vraies urgences, on a moins de bobologie et des choses comme ça. Et donc on rentre dans un moment de calme où on va manger avec notre interne, puisqu'on n'a pas encore mangé. Et puis on verra comment se passe la nuit ensuite. Vous allez pouvoir dormir un peu ? Alors ça nous arrive, effectivement, alors de moins en moins. C'est une des choses qui a changé avec le temps. C'est qu'avant, il y avait vraiment des nuits où on avait un vrai temps de sommeil. Maintenant, des nuits où on dort 3 heures, on est très content, sachant que l'interne souvent se lève avant nous dans ce cas-là. Et si les patients sont stables, commencent à faire l'examen et demandent des examens biologiques ou la radio et nous appellent après pour senioriser leur malade. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'ambiance de la nuit que vous aimez particulièrement ? Ah oui, je pense que c'est vraiment. Je pense que quand on est urgentiste, c'est vraiment une particularité de notre métier, c'est que il y a un moment où on a l'impression d'être le dernier phare dans la nuit. Hein. On est là et il n'y a plus que nous, parce que les hôpitaux sont organisés comme ça. Dans l'hôpital, à part les réanimateurs et nous, il y a plus personne, sauf urgence chirurgicale ou choses comme ça. Même dans la ville, il reste en gros les pompiers, les urgences et la police, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, d'assez, on va dire, ça fait partie, il y a une petite excitation, une petite, d'être un peu le dernier rempart, comme on a dit tout à l'heure, un peu social, un peu médical, puisqu'en fait on a un petit peu tous ces côtés-là dans notre métier, donc ça fait partie intégrante la nuit de notre métier, même si c'est difficile, s'il n'y en avait pas, ça ne serait pas pareil. Voilà. C'était Médecine rurale dans le Cantal, une nuit aux urgences, avec Sébastien Autière, Pierre Vernet, Sébastien Dufraise, Guillaume Laroumet, Marion Coudon, Stéphanie, Valérie Cueil, Rachel Meunier, Charles Roucou, Yannick Dujol, Rémi Foussa et Pélagie Kentega. Merci à tous les patients qui nous ont laissé assister à leurs soins. Merci à la direction et au service de communication du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac. Merci au docteur Jonathan Duchesne, au docteur Marie-Hélène Ozerman, ainsi qu'aux équipes du service de réanimation. Attachée d'émission Marivonne à Bolivier. Coordination Perrine Carvran. Un documentaire d'Antoine Tricot et François Test. Collection Mécanique du vivant, saison 2, le requin. L'amoureux de la nature, Marc Mortelmans, vous raconte la place fondamentale des requins dans notre écosystème, de la surpêche qui menace leur fonction vitale pour les océans, au mystère de leur reproduction. Comment et pourquoi des animaux si résilients, si costauds, sont si désavantagés aujourd'hui ? Mécanique du vivant, saison 2, le requin. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France, avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature.